بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، donc hier on a commencé dans ce kitab l'Ummat al-Yatiqad en prenant quelques kawaid que le shir a cité pour faciliter ce qui suivra dans le livre لفهم لفهم مقصود المؤلف رحمه الله تعالى. Donc alhamdoulillah, comme on avait déjà commencé dans Takrib al-Tadmouriya, la hajata ila i'adatiha. Juste hier, un truc que j'ai oublié de faire à taudir, c'est dans le taksim des sifat. قلنا أنها تنقسم إلى قسمين، يعني ثبوتية وسلبية. En fait, سلبية c'est le même que le منفية. سلبية c'est le même sens que منفية. Que des fois quelqu'un peut penser que c'est encore un nouveau taksim. سلبية c'est منفية, c'est les mêmes. C'est que Allah s'est refusé. طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى مقدمة لمعة الاعتقاد. أولا لمعة، ما معنى لمعة؟ هو البلغة. Il y a différents sens. Ce sens, elle boulera. Elle boulera, on traduira cela par comme étant le nécessaire vital. Le nécessaire vital. Donc là, c'est le sens qui est le plus menacé dans le renouvellement du kitab. On va dire c'est le nécessaire vital dans la croyance. L'irtiqad ma'khouz min al-aqida. L'aqida. C'est un mot à la base dans Kitab wa Sunnah, il n'a pas été cité. Dhukira anna awwala man ja'a bihi, ya soit ça a été Tahawi dans son Kitab al-Aqida al-Tahawiya ou al-Sabuni dans Aqida al-Salaf. Wa al-Aqida ma'khouz min al-'uqd. Al-'uqd. Al-'uqd ça peut être un nœud. Wa hulul Ugdatan bin Nisani, et défait le nœud qui est sur ma langue. Yafkohu Kohli, qui comprennent ma parole, comme l'a dit Moussa alayhi salam. Ou comme un agd. Quand tu fais un zawaj, un agd, c'est ce qu'on appelle ça. On appelle ça un contrat, la chose qui te lie, le pacte. Donc là, l'aqida huwa ma yata'allaq bihi al-qalb. Ce à quoi s'accroche le cœur. Qala. الشيخ الإمام العالم الأوحد شرف الإسلام مفتي الفرق قدوة الأنام أو أوحد الزمان موافق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي قدس الله روحه ونور ضريحه. Ça bien évidemment ce n'est pas l'auteur qui écrit cela lui-même. Tous ces éloges. Et ces noms comme مثلا Muwafiq al-Din, Shihab al-Din, Shams al-Din, Nour al-Din, Ihya al-Din, tous ces noms-là sont des noms qui sont mubtadi'a. Ils sont venus dans le 5e siècle. Et beaucoup de ulama les ont blâmés, car il y a une forme de relou dans ces noms-là. Ces noms-là n'ont pas été connus à l'époque des salafs. Cette façon de se nommer en attribuant un éloge par rapport à la religion. Également, on peut dire dans l'irtiqad, comme l'a dit Cheikh Othaymeen, ou al-hukm al-dhi'ni al-jazim. C'est le jugement décisif que tu as en toi par rapport à une chose. قال المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم لا بسملة هذا اقتداء بكتاب الله العظيم واتباعا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Quel Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il commençait ses rasa'il aux gens, quand il envoyait des courriers aux gens, il commençait par la basmala. Et comme tu le sais dans le Coran, jamais souwa, tout t'a d'abil basmala, illa al-bara, yani tawba. Après, il y a un khilaf, est-ce que la basmala fait partie de la surah ou pas, a dit mas'ala ukhra. Non. قال الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن جل عن الأشباح والأنداد وتنزه عن صاحبتي والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء هو السميع البصير. Il a commencé son livre par le thana à Allah wa le hamd et atkhala fihi shay' min as-saja' avec des rimes. C'est une chose qui à la base est permise s'il n'y a pas de takalluf. Son uslub arabi en faisant des rimes, cela est permis, c'est pas de takalluf. Maintenant, celui qui se force en cela, là, c'est mazmoum. Donc, cette moukot d'ima, elle contient le thané à Allah. Le fait de faire son éloge. Et le hamd. Mawa al-hamd, comme a dit le shaykh, zikr awsaf al-mahmoud al-kamila wa af'ali al-hamida ma al-mahabbatila wa ta'zim. C'est le fait de citer les attributs louables complets et l'effet complet avec l'amour et le ta'zim de celui que tu loues. Et là, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, dans cette moukaddima, il cite que Allah, ou al-ma'boud, en tout lieu, celui dont la science ou qu'aucun lieu n'échappe à sa science. La yakhlu min ilmihi mekan. Donc il n'a pas dit annahu fi kulli mekan. Il a dit que aucun lieu n'échappe à sa science. Ça veut dire qu'il sait tout par sa science. Et non pas par sa présence en tout lieu. Que rien ne l'occupe. Qu'il n'a rien qui lui ressemble, ni d'égal. Et qu'il s'est purifié d'avoir une compagne ou d'avoir des enfants. Et que son jugement s'applique sur tous les ibad. Que les raisons et les réflexions ne peuvent le représenter. Et que les cœurs ne peuvent se l'imaginer. Et il finira par citer le verset dans le sens où Allah dit qu'il n'y a rien qui est comme lui. Et il est l'audient et le voyant. Shura. Qal, lahu al-asma al-husna wa sifat al-ula. Il a les plus beaux noms et les sifat les plus élevés, les plus hautes, ont le plus de valeur, les plus nobles. قال الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. Dans le sens où Allah dit, le Rahman qui établit sur le arche, à qui appartient ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre, et ce qui est entre les deux, et sous le sol humide. Si jamais vous parlez secrètement, il connaît les secrets, et ce qui est encore plus caché que cela. Donc là, dans ces versets, là où l'asma al-husna, on a le ism ar-Rahman. Parmi ces sifat, on a l'istiwa. On a le mulk. Et on a as-sam. Que Allah, il entend tout ce que tu dis, même les paroles les plus cachées. et que son ilm adraka kulli shay. كما ذكر بعض ذلك. أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكمة. Qu'il a sané toute chose par sa science et qu'il domine toute la création par sa puissance et par son jugement. Souel, regarde là. أحاط بكل شيء علما. علما c'est quoi ça? نعم سوى النحوية. C'est quoi علما là? أحاط بكل شيء علما. Là, c'est pas ma poulbi. Ça tamise. Ma'na, an ilmahu ahata kulle shay. Kahara kulle makhlouqin, izzatan wa hukma. C'est quoi izzatan wa hukma? Tamise. Le ma'na, an izzatahu wa hukmahu. Kahara kulle makhlouqin. À la base, c'est un tamiz, c'est un fa'il qui était déplacé. Ce qu'on a pris ce matin dans Al-Mumti'a. Kadhalik, wasi'a kulle shay'in rahmatan wa ilma. Qu'il englobe toute chose par sa rahma et sa science. Rahmatan wa ilma, là aussi, tamiz. Ayana rahmatahu wa ilmahu, wasi'a kulle shay'in. قال عز وجل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. Qui sait ce qu'il y a devant et derrière eux et qu'ils ne peuvent le cerner. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم على لسان نبيه الكريم. C'est-à-dire qu'Allah il est décrit parce qu'il s'est décrit lui-même dans son livre عظيم sur la langue de son noble messager sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est dans la Muqaddima qu'a fait l'auteur. Dans la Muqaddima faite par l'auteur. Thumma qal, premier fasl dans lequel il va commencer. Huwa faslun fi tawhid al-asma wa sifat. L'unicité dans les asma et les sifat. Nahnu kudakana shay'an من التوحيد في الصفات dans التنمورية. Là il rajoute quoi? L'asma. Ils vont parler brièvement, mais comme il a dit dans le titre, l'um'a, ce qui est nécessaire. قال ثالثا. Car en fait son livre est basé sur différentes masa'il, différents points. Là on en a pris deux. On prend le troisième qui est وكل ما جاء في القرآن أو صح أن المصطفى عليه السلام عن من صفة الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. Tout ce qui est venu dans le Coran ou qui était authentifié provenant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme sifat du Rahman, on doit y croire, on doit s'y soumettre, on doit l'accepter et délaisser toute contestation et de rejet, ou d'interprétation, ou de fait de se faire ressembler, ou de représenter. Donc cela pour pousser ma'adha et ta'atil, qui est le fait de supprimer les sifat. Car les mu'attila, ceux qui ont fait du ta'atil, ils n'ont fait cela que pourquoi? Que pour soi-disant purifier Allah de toute ressemblance à sa création. Mais ils l'ont fait de façon extrême. Qui n'est pas légiféré, qui n'est pas la voie des salafs. Donc nous, on affirme tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé lui-même dans son livre et dans la sunna authentique, sans pour autant représenter, ni le faire ressembler, et ni chercher le comment, et ni faire comme ces gens-là en supprimant. Part-il. Car eux, pour eux, le fait d'affirmer les sifat ou les asma, ça amène à le faire ressembler à ces créatures. Pour les mu'attila. Pour eux, tout makhlouk à qui on donne des sifat ont forcément un corps. Donc il dit, c'est mon fait cela, c'est-à-dire qu'Allah, il a un corps de la même façon que nous. Et ça, on avait répondu à cette chebouha. Est-ce qu'on rappelle dans la Tanmouria? Encore, on avait dit que ça dépendait. Pas le corps. Que toute chose qui a des sifat a un corps. Est-ce que c'est vrai? Toute chose qui a des sifat a un corps. Le fait qu'on décrive une chose avec des sifat, cela inclut qu'elle a un corps. Est-ce que cela est vrai? Là, Salen, Al-Layla, Tawila, une longue nuit, Bard, Shadid, un froid intense, Ramt, Har, Kowi, une chaleur forte, Kulouhada, Khouf, Shadid, une grande peur, toutes ces choses-là, est-ce qu'elles ont un corps? Elles n'ont pas de corps. Ce sont des choses qui ne sont pas concrètes. Donc déjà, leur coup, il est baraté. Après la masala du corps, c'est l'autre masala encore. ثم قال رابعا وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعنى ونرد علمه لقائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقول الله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كُلٌ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Donc il dit, maintenant ce qui nous pose problème, nous devons affirmer son love, malgré tout, le terme, et ne pas chercher à contester le sens. Et nous renvoyons cette science à celui qui l'a dit. Et nous faisons porter, on va dire, la garantie de cette, de la véracité du khabar, de l'information, à celui qui l'a rapporté, c'est-à-dire le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, on le croit. Et cela poursuit la voie de qui? De ceux qui sont ancrés dans la science, ceux dont Allah a fait l'éloge dans son livre, où il dit dans le sens que les rasikhun fil ilm, ceux qui disent, nous y croyons et tout provient de notre Seigneur. Donc là, ça revient à ce qu'on avait dit dans Atan Muriya, Anna nusus al-kitab wa sunnah qui concerne les sifat sont de deux catégories. Wadih jali wa khafi mushkil. Ce qu'on appelle muhkam et mutashabih. Donc les choses qui nous sont claires pour nous, on les affirme. D'accord ? On les affirme. On les prend comme elles sont venues dans leurs parents. Et le sens, on le comprend. Et cela, on le fait sans ta'wil, sans interprétation. Et sans tajbih, et sans tamthil. Et quant à ce qui est mutashabih, ou qui est mushkil, qu'est-ce qu'on fait? On les juge avec les murkam. On revient au murkam, à ce qui est clair et wadih. Car ça, c'est la voix de qui? De rasikhuna fil ilm. Et nous, on ne renie rien de cela. On dira juste que on n'a pas compris la chose, car dans le Coran, il y a des choses que tout le monde ne comprend pas. Par contre, il n'y a pas une chose dans le Coran que personne n'a compris. Là, mima yata'allaq bil ma'ani, dans les sens des mots employés, tu trouveras toujours des gens qui connaîtront, même si c'est un ou deux, toujours. Maintenant, la haqiqa des choses, comme dans le verset, Allah Azza wa Jal, فَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَا مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Ceux qui ont une maladie dans le cœur, ils cherchent une chose à équivoque pour trouver la fitna et pour chercher son interprétation, c'est-à-dire ça qui est fausse. Mais seulement ce ta'wil, nul ne le connaît, ce n'est Allah. Quand des gens ils disent, tiens, Allah dit qu'il n'y a que lui qui le connaît, le ta'wil. L'interprétation. On a expliqué que ça c'était quoi? Ma'na al-haqiqa, la réalité des choses, que nous on peut cerner. Là c'est dans une lecture. Si on s'arrête à wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Si on s'arrête là, ça veut dire que seul Allah connaît la haqiqa des choses dont il parle, les choses de l'invisible qu'on ne connaît pas. Et si on poursuit la lecture, on fait la liaison. Tamam? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa rasikhuna fil ilm. طيب يقولون آمنا به كل من عند كل من عند ربنا. Donc là on poursuivra, on dira dans le sens que seul Allah connaît l'interprétation ainsi que les rasikhuna fil ilm qui disent nous y croyons, tout provient de notre Seigneur. Donc dans la lésion, si on fait la lésion dans la lecture, on se rend compte que en fait le ta'wil il peut être basé sur deux choses à ce moment-là dans ce verset-là. Si on s'arrête sur Allah, c'est-à-dire ce que seul Allah connaît parmi les réalités des choses, chose de l'invisible. Et si on poursuit, que les rasikhun également connaissent le ta'wil, c'est-à-dire le sens. Le sens. Et des choses dont le sens nous échappe, c'est soit, comme on l'expliquait, soit pour un manque de science que nous avons, d'accord, un manque d'ijtihad, ou peut-être un sous-cost, mauvaise intention, qui fait qu'on n'a pas été moins fort pour comprendre la chose. Dans le Coran, comme l'a dit Cheikh l'Islam, il n'y a pas une chose dans le Coran que personne ne connaît le sens. Maintenant, la hakika, il n'y a que Allah qui la connaît, en ce qui touche aux choses de l'invisible, à ses asma et à ses sifat. Là, maintenant, dans l'auteur, il a dit un kalem qui était muntaqad. Qala wa naruddu ilmahu ila qa'ili. Et nous renvoyons ce sens, le sens, à celui qui l'a dit, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Par rapport à quoi? À ce qui nous pose problème dans le Coran. Là, il parle des sifat. C'est un kalem qui ressemble au kalem de qui, ça? Il m'a fait oubriza. Il dit, on ne connaît pas le sens, on l'envoie à Allah. Il y a des ulama qui ont dit que ça, c'est du tafouid. Et d'autres qui ont défendu, qui ont dit non. Pour le tafouid, il a voulu dire la chose que donc on n'est pas le sens, c'est-à-dire on n'a pas compris où est-ce que l'objectif a tiré du sens de ce verset-là. On dit que Allah alem. Même ta'ada, il y a un khilaf, des ulama, ils ont dit que ça c'est du tafouid de la part de l'auteur. Et d'autres disent non, sa parole elle est interprétable. Cheikh Othaymine le défend. C'est-à-dire ulama comme Cheikh Mohamed ibn Ibrahim, qui était dans ce mufti, Saoudia, lui voit que c'est du tafouid, la salade. Cheikh Salih al-Shir aussi, je pense qu'il voit que c'est le tafouid. Cheikh Yahya, il voit que c'est le tafouid. D'autres ulama, ils voient que c'est le tafouid de la part de l'auteur. Malgré tout, c'est un imam salafi. Mais Zalla, nul n'y échappe. Zalla, c'est une glissade, comme on dit, une erreur, nul n'y échappe. Donc les gens, par rapport au verset, justement, Moutashabi, Mushkil, ils sont de deux voies. En premier, la voie des rasikhin fil ilm. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils disent, on y croit, tout provient de notre Seigneur, comme dans le verset. Sans contester, d'accord? Et cela par ta'zim lillah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et par bon comportement avec les textes shad'iyya. C'est pour cela qu'Allah les a vantés. Quand même, Allah les a vantés. Et la deuxième voie, et celle de Zahirin, les gens qui ont une déviance dans le cœur. Qu'ils cherchent les versets à équivoque. Pour faire quoi? Faire de la fitna. Les choses qui sont ambiguës pour les gens, ils vont les chercher avec ça. Pourquoi? Te faire douter, te troubler, te mettre dans la confusion. Et ces gens-là, dans le Coran, Allah les a décrits. Ils cherchent les choses de Mutashabihat. Ils laissent les Murkama et prennent le Mutashabihat. Car dans leur cœur, il y a du Zahir. Et donc là, ce côté tashabuh et mushkil, il est nisbi, il est relatif. Certains pour eux, ça va être clair. Et pour d'autres, ça le sera moins. Et pour d'autres, ça ne sera pas du tout. C'est nisbi. Les relèvements vont voir un verset, pour eux, ça sera clair. D'autres, qui ont moins de science, vont le voir, vont dire, j'ai pas compris. Et d'autres vont dire, je n'ai rien compris. D'accord? Ça revient à des gens. On a expliqué qu'il n'y aura jamais un ijma sur Adam ma'rifat ma'ani shay'an min kitabillah. Jamais on se rassemblera tous sur le fait qu'on ne connaît pas le sens d'une chose dans le Coran. Ça, il n'y a pas. Maintenant, l'auteur, quand il a dit, c'est où? Wa tark ta'arud lahu bi radd wa ta'wil wa tashbih wa tamthil. On a délaissé le fait de contester ou de rejeter, d'interpréter ou de faire un tajbih en tamthil. C'est quoi le rod? C'est le fait de démentir et le fait de blâmer la chose que tu ne reconnais pas, tu n'acceptes pas. Mathalen, comme quelqu'un qui dirait laysa lillahi yad, tayeb, la haqiqatan wala majazan. Ils vont dire il n'a pas de main, ni réellement ni en majaz, en métaphore. Enfin, là, c'est du kufr. D'accord? Pourquoi? Il a fait un takzib du kalam d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on va faire quoi? Ils vont dire lillahi yad lakin majazan. C'est une image, c'est une métaphore, c'est pas réel. Ça, c'est aussi du tartil. Et ça, c'est pas forcément du kouf, comme on va le prendre maintenant. Là, il parle du ta'wil par la suite. Le ta'wil. Mahou. Dans le sens que l'auteur il a voulu, c'est le tahrif. C'est le fait de vouloir expliquer un verset ou un texte en le sortant de son contexte de base. Que tu fais dire à Allah ce qu'il n'a pas dit. Que tu fais dire à son messager sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il n'a pas dit. Pourquoi? Pour égarer les gens. Et tu fais un tafsir, d'accord, à l'opposé de ce sur quoi étaient les sahaba. Donc ça s'appelle quoi? Tahrif en réalité. Et ils vont te dire ta'wil, car ta'wil c'est un mot qui est plaisant. Et tahrif c'est un mot qui fait fuir. On va dire non, nous awwil. On fait un ta'wil. Et le ta'wil, des fois, il a sa place. Quand il est basé sur des indices. Des choses qui nous indiquent que là, il y a un ta'wil à faire. Quand il y a un azawajel, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Il est avec vous où que vous soyez. La falaine. Ça, c'est interprété par quoi? Par sa science. Lima, zalian Allah, qu'ala, ar-Rahman, ar-Rahman, istawa. Le Rahman est établi sur le arche. Donc, comment il peut être partout avec nous? Et sur le arche. Et également, cela inclurait que Allah est partout, c'est-à-dire même dans les lieux à Najasa. Et ça, c'est pas concevable. Donc, c'était interprété par quoi, ce verset-là? Là, c'est un verset de Tashabuh. On est revenu au Murkam. Donc, on a fait un ta'wil, que Allah est avec nous, avec quoi? Par sa science. Donc, le ta'wil, il a trois jugements. Quelqu'un qui fait un ta'wil, il y a trois situations. Soit, il a fait un ijtihad, avec une bonne niya, il a fait un ta'wil, lakin akhta. Il s'est trompé, le alim. Mais c'est quelqu'un, si on lui explique la vérité, il revient, il reconnaît. Donc lui, Inch'Allah, son erreur, lui est pardonnée. Hada bidalil hadith fa izhtahada al hakim wa asaba falahu ajran wa in akhta falahu ajr. Si le hakim fait un ijtihad et qu'il atteint la vérité, il a deux récompenses. S'il se trompe, il n'en a qu'une seule. Là, c'est quelqu'un qui fait un ijtihad avec husn niyya, qui est une bonne niyya, qui recherche le haq. Après, on a celui qui fait un ta'wil, c'est basant sur le hawa ou le ta'assob. Cependant, son ta'wil, il a un wajh dans la langue arabe. Il a une origine. Donc là, c'est le shubuhat qu'il a. Lui, à ce moment-là, c'est pas du kouf ce qu'il fait. C'est du fisk, c'est de la bid'a, mais on ne kaffar pas. Il y en a plein, ça qu'ils ont fait. Ils ont fait un ta'wil des sifat et des asma en se basant sur les règles de la langue arabe. Et ils sont égarés. Ils ont égaré des gens avec eux. Et tu as le troisième hukm du ta'wil, celui qui fait un ta'wil fasid, cependant sur ses hawa, sur ta'asub, cependant il n'a aucune origine en langue arabe. C'est purement du hawa. Comment on dit, remuer les terres pour pouvoir arriver à ce qu'il veut. Et bien ça, ça tombe dans le kouf. Car ça ramène à quoi? À démentir le verset. Totalement. Là, il n'y a pas de chubuhat. C'est lui qui a rejeté la chose. Fahimt? Taïr. Le tajbih qui, lui, est mazmoum, c'est le fait de faire ressembler Allah à autre chose lorsqu'il lui est propre. À lui. Par exemple, dans les asma, il y a du tajbih entre nous et lui. Dans les sifat, il y a du tajbih dans la nomination. Mais dans la haqiqa, ça n'a rien à voir. Et Allah, il y a des choses qui sont propres à lui. Donc là, dans ces choses qui sont propres à lui, dans son haq, on n'a pas le droit de faire tajbih. التمثيل c'est le fait de représenter Allah dans ce lieu propre كذلك. Donc Allah Azza wa Jal ليس كمثل شيء, il y a rien qui est comme lui. Donc on ne peut le représenter. لكن بعد هذا قال هو السميع البصير. On affirme les sifat car il a dit il est l'audient et le voyant. Et on l'a expliqué hier, al farq bayna at-tamthil wa at-tashbih, an at-tamthil yaqtadi al-musawa min kulli wajhin bi khilaf at-tashbih. Le tamthil inclut une ressemblance sur tous les points. Alors que le tashbih c'est partiel. C'est partiel. Non. Donc on va s'arrêter là aujourd'hui. Et on a pris dans... Après la Mukaddima, on a pris... dans la Mukaddima, on a pris deux points. Sur le Hamd, sur les Asma d'Allah et ses Sifat. Après, on a pris le Fars, le qui est Tawhid dans les Asma et Sifat. Que tout ce qui est dans le Coran, on doit y croire. Et également... que tout ce qui nous pose problème, qu'on n'a pas compris, on doit l'affirmer quand même, le terme, sans le changer et sans le déformer. D'accord ? Et le tawhid reste moins si fort, c'est qu'on ne fait pas ressembler Allah à sa création dans ce qui lui est propre, parmi ses noms et attributs. On ne veut pas de tamthil, on ne veut pas de tashbih, on ne veut pas de takif, et également, on ne veut pas de tartil pour ne pas éviter tout cela. Car ce qu'on veut le tartil, ils ont voulu faire quoi ? Unifier Allah et le différencier totalement de sa création. À tel point d'en être arrivé à refuser ce que Allah a dit de lui-même. Hadha huwa alladhi akhadhna al-yawm. Takriban. C'est des points importants à retenir. Fahimta hadha? Juste avant de finir, tu rappelles le ta'wil. Le ta'wil, on avait dit qu'il y avait plusieurs sens de ta'wil. Un sens de quoi ? Une chose qui se réalise. Hadha ta'wil ru'yaya min qabl. Parce que Youssouf il a fait son rêve, après il s'est réalisé, il emploie le mot ta'wil. D'accord ? Également, ça a le sens de imtithal, l'obéissance, l'observance. Qalat Aïcha, qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yu'awlu al-Qur'an, et qu'il applique. Quand il est venu le verset, ou la sourate, il disait, j'ai un nasrullahi wa al-fatih, wa ra'ayta al-nas, et trouluna fi dinillahi afwaja. Fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'un uksir, fi sujoudihi, an yakul subhanaka wa bihamdik, la ilaha lenta, astaghfiruka wa tubu ilayk. En fait, il faisait quoi? Il n'a pas que le Coran. Et le ta'wil, on a dit également parmi les sens, c'est le fait de donner un sens qui n'est pas le rajih. C'est le fait d'interpréter. Tu as un sens apparent et tu viens avec un autre sens qui, à la base qui est moins prépondérant, mais tu as un dalil qui t'amène à faire ce ta'wil-là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, son voulu n'est pas l'apparent, mais ça veut dire telle et telle chose. Avec une preuve à l'appui. Sinon, tu tombes dans quoi ? Dans le tahlif. Non, ça c'est bien le tafkir. C'est le mot awal dans le soulevé qu'on a pris. Non. Non. Il faut m'aider. Il faut m'aider. Il faut m'aider. Il faut m'aider. Il faut m'aider. Il faut m'aider.